Michael à la radio. Tous les matins. Michael est en direct sur Fun Radio. Radio. On va jouer maintenant au Serez-vous plus intelligent qu'une mie. C'est avec Andrea qui est avec nous de Sclessin. Salut Andrea. Salut, salut. Comment ça? Je suis très déçu, je pense avoir une fille. Ah non. Déception totale. Ah bah ouais, non mais là, je t'ai déçu et tout. Oh, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, Bon, t'es chauffagiste. Oui, en même temps, si j'avais lu ton métier, c'est rare qu'une fille soit chauffagiste, mais bon. Ouais, bon. C'est vrai, c'est rare. Ah, c'est rare. Dans ton métier, c'est vrai que ça doit être chiant. Enfin, quoi que tu es cliente. Ah, c'est ça. Oui, mais ouais, voilà, oui, bonjour. Je viens pour la fuite. Merci, bien que dans les filles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous réchauffer. Oui, ne vous inquiétez pas, le chauffage est en panne. Venez dans ma voiture. Bon, Andrea, on va jouer au Serez-vous plus intelligent qu'une miss? C'est pour gagner un iPod ou alors un maillot de foot. Tu prendrais quoi si tu gagnes? L'iPod, je crois. Non, c'est un iPod ou un maillot de foot. Pas un iPad, un iPod. Un iPod, d'accord, ok, très bien. Bon, Andrea, on va y aller. 5 questions, si tu fais 5 sur 5, c'est l'iPod en l'occurrence. 4 sur 5, 2 places de ciné. Et en dessous de ça, tu retournes chez ta mère les mains vides, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Selon Testacha, quelle ville est la pire en qualité de vie? En Belgique, hein. Allez, Charleroi. Eh ben oui. Effectivement, c'est une bonne réponse. Deuxième question. Vrai ou faux, la Belgique est candidate pour organiser le prochain Euro en 2016? Faux, c'est en 2020, effectivement, bonne réponse. Quels héros de bande dessinée tout bleu viennent d'ouvrir leur magasin? Les Schtroumpfs. Bonne réponse, c'est pas mal, la balade pour l'instant. Hein. Eh oui, quelle question suivante? Où iront Olivier Rocus et Steve Darcy du 27 juillet au 12 août 2012? Au JO à Londres, bonne réponse. Ben donc là, ça y est, c'est des places de ciné pour toi. Et enfin, dernière question, à 10 près, combien y aura-t-il d'athlètes belges au JO justement? C'est dur ça. Ouais. À 10 près, tu dis combien? 30, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était 104. Eh ouais. Donc mais si t'avais écouté Julie, tu l'aurais su. Eh oui, si t'avais écouté les infos de Julie, t'aurais su. Mais bon. Ah là là là là là là. Bon, Andrea, c'est quand même des places de ciné, quand même un cadeau à 20 euros, c'est pas mal, hein. Oh, c'est cool. Bah voilà. Et puis, Andrea, tu reviens quand tu veux, d'accord? C'est gentil, merci. Salut, Andrea, salut, à bientôt. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est la journée internationale de Pierre maintenant. Journée internationale de la clinique vétérinaire. Vous le savez, c'était une des meilleures. Et un des meilleurs appels, justement. C'est maintenant sur Fun Radio avec Pierre. Clinique vétérinaire, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Est-ce que le vétérinaire est là, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas encore arrivée. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez noter un message là d'urgence? Ouais. Parce que je travaille aux eaux d'Anvers et notre équipe vétérinaire ne répond pas. Oui. Et en fait, on a eu deux grands singes qui se sont battus entre eux. Ouais. Et il y en a un qui souffle là et qui est en très mauvais état là. D'accord. Et il n'y en a pas d'autres qui se déplacent parce qu'elle, elle va pas pouvoir se déplacer quoi. Non, mais au moins déjà pour avoir les premiers soins. Ouais, parce que c'est quoi? C'est des plaies ou c'est vraiment. Alors, c'est des plaies. On a un grand qu'on a appelé King Kong. Ouais. Qui s'est battu avec l'autre qui était plus petit qu'on appelait Tarzan. Et les deux, ils sont fightés. Et vraiment, là, le pauvre, là, il y en a un qui suffoque. Le Tarzan, il est vraiment sur le bas-côté là. Ouais, il est en état de choc aussi. Vous soignez les plaies à la bétadine déjà? D'accord, très bien, bétadine. Vous le laissez dans le calme parce que c'est vrai que il faut qu'il se remette de ses émotions aussi, hein. Il a stressé, il a angoissé, donc il doit être en tachycardie, donc laissez-le au calme. Ouais. D'accord, et je vais lui en parler et je vous rappellerai. Il y a le King Kong qui veut vraiment finir Tarzan. Hein. Oh là là. Et vous savez pourquoi ils sont embrouillés en plus? Non. Ils sont embrouillés au sujet de Jane. Ouais, d'une femelle quoi. Ouais, d'une femelle. Et là, Jane, elle a un petit peu émoustillé Tarzan. Tarzan, qui n'est pas en fait son ami, mais elle sortait plutôt avec King Kong et King Kong l'a mal pris du coup. Bon, bah mettez des plaies déjà avec la bétadine et. D'accord, bah je vous remercie beaucoup en tout cas. Et séparez-les. Voilà. Merci. Merci. Allez, beaucoup, au revoir. King vétérinaire, bonjour. Oui, excusez-moi, c'était moi avec mon histoire de King Kong et de Tarzan. Ouais. Comment vous avez pu croire une histoire aussi débile? Mais écoutez, vous appelez chez un vétérinaire, donc nous on essaye de vous donner les meilleurs conseils. Ouais, mais il faut vraiment être débile quand même pour. Vous croyez que deux singes ne se battent pas? Mais c'est pas ça, mais l'histoire Tarzan, King Kong, Jane. Oui, bah on peut appeler, vous savez, on a des chats qui s'appellent Julie, Tarzan et Patapouf quoi, qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais d'accord, mais directement vous êtes quand même tombé dans le panneau, Je suis tombé dans le panneau parce que vous voyez, j'ai parlé avec ma collègue. Donc maintenant, si vous avez le temps de faire des conneries dans Jean, et bah continuez, ça c'est super intéressant. Mais hey, Cheetah, t'es débile, hein? Ouais, t'es plus ma boule. Ouais. Clinique vétérinaire, bonjour. Oui, excusez-moi, j'ai mon dragon qui refuse de cracher, de faire du feu. Bah écoute, tu te fous ma gueule là ou quoi? Non, il veut plus voler, il veut plus rien faire. Ah ouais, t'as raison, ouais. Je m'en fous parce que ton numéro il s'affiche, donc c'est cool parce que moi je vais pouvoir aller chez les flics. Clinique vétérinaire, bonjour. Ouais, le Yeti refuse de quitter mon congélateur. Bah c'est cool. Bah enferme-toi dans le congélateur avec lui, ça sera super bien je pense. Non mais qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui dis qu'il sorte ou comment ça se passe? Parce que là il est en train de taper une discute avec le Grinch. T'as que ça à foutre de ta journée. Et bah putain t'es vraiment un petit con hein. Et bah voilà, journée internationale de la clinique vétérinaire. Donc à l'instant sur Fun Radio. Tous les matins 6h-6h30 c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et puis nous allons parler maintenant d'une grande information aujourd'hui justement. C'est une grande nouvelle pour tous les auditeurs de Fun Radio, écoutez. Après tout le monde le sait sauf Marie, je suis désolée toi et moi, c'est froid, mais je suis désolée moi, il faut pas que toi tu saches pas alors que tout le monde le sait, tout le monde va en parler. Je suis désolée, je trouve que ça se fait pas. Oui, mais à votre avis, de quoi parle Aurélie des anges de la télé-réalité? Bien évidemment, hein, c'est ça la grande question. De quoi parle Aurélie? Hyper important. Ah, et oui. Ça doit être lourd quand même. Bah ouais, je sais pas moi. Le monde doit en dépendre. Oui, ouais. En direct live, on vient de m'informer dans mon oreillette qu'il s'agirait d'un bisou. La catastrophe. On va demander évidemment à Marie ce qu'elle en pense. Il a vécu 2 ans avec une gonzesse, il avait soi-disant des sentiments et qu'il est capable de sortir avec une gonzesse. Wow. Ah oui, donc je pense qu'elle le prend mal. Oui, je pense qu'elle le prend un peu mal. Oui. Alors, demande moi, j'aime bien la réaction quand même. C'est oui, il est sorti 2 ans avec une fille, il peut en embrasser une autre. Eh bien, oui, ça arrive pour ça. Peut arriver. Oui. Demandons quand même à Geoffrey, l'ex de Marie, hein, ce qu'il s'est vraiment passé. Et un bisou. Un bisou dans l'eau. Eh ben oui, un petit bisou, hein, tout simplement. Alors Marie veut quand même en savoir un petit peu plus, donc elle pose une grande question à Geoffrey et à Julia. Et un bisou, ça se fait pas tout seul dans l'eau. Ça ne se fait pas tout seul. Moi, ça m'est personnellement jamais arrivé. Exactement. Alors il faut quand même rappeler que cette histoire s'est passée juste avant que Marie, Geoffrey et Julia partent tous ensemble à Los Angeles pour une séance photo. Mais attendez, donc Soufiane a quelque chose évidemment à ajouter, hein, Soufiane. Ah, vous partez ensemble en plus, hein? Ouais. La bonne nouvelle. Ah oui, la bonne nouvelle. Calmer les choses. Voilà. Alors, cette émission nous manquera pendant tout l'été, mais rassurez-vous, normalement, il devrait y avoir une nouvelle édition à la rentrée. Nous sommes impatients. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et puis, on va se faire la petite vérification de sondage de ce matin. Vérification de sondage à base de bière. Pour une matinée, pour un petit déj, c'est la classe. Ah. Mais oui, je trouve aussi. Bah oui. Alors, Julie, est-ce que tu aimes la bière? Bien sûr. Ah, mais non, moi, j'aime pas la bière, en fait. Ah oui, ça m'étonne pas. En général, les filles aiment pas trop. Hein. Oui. Mais avec de la grenadine dedans, ça passe un peu. C'est vrai. On appelle ça un mazout. Oui, un mazout. Je un tango. Je trouve pas pire. Ou un tango, ouais. Un tango, mais bon, faut faire attention parce qu'à force de boire des tangos, on se prend des valses. Donc, Oui, merci. Okay, Merci, Love. Bon, donc, tout ça pour dire que donc il y a une grande étude qui vient de sortir. Et donc, plutôt que de demander maintenant à une fille si elle couche le premier soir, vous lui demanderez si elle aime la bière. Et de quoi, du coup, bon, ça veut dire que si elle aime, qui aime la bière, une fille qui aime la bière est une fille qui a tendance à coucher le premier soir. Ah ouais, d'accord, c'est bon, ça va. Ok. Bon. Le petit prend des Donc Aline aime bien la bière. Bah non, j'ai dit non. Non, t'as dit si avec la grenadine. Non, voilà. Non, alors avec la grenadine, tu trouves quoi? Est-ce que du coup elle fait que les préliminaires ou alors rien ou comment ça marche? Non, elle fait ça que réglé. Avec la. Non, là je dis non. Non, ça va, on a rien entendu. Donc, je voulais dire, avec la grenadine, faut y mettre un peu plus de forme, c'est tout. D'accord, ok, très bien. Okay, donc, moins facile, quoi. Oui. D'accord, ok, très bien. Parfait. Bon, on va appeler à Couillet, hein, ça voilà. Tombe bien. Voilà, c'est parfait. Une très belle ville pour aller vérifier ce sondage-là. Évidemment, on a fait la Couillet. Bah, et on n'a pas fait exprès, on l'a pris au hasard. C'est bien, on ouvre l'annuaire. Hein, je ne crois pas au hasard. Non, monsieur. Bah écoute, c'est étrange, tiens. Allez, on appelle à Couillet maintenant. C'est parti. Couillet ? Allô ? Oui, bonjour madame. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il semblerait que les femmes qui aiment la bière couchent le premier soir. Oh, monsieur, dites, il est 6h du matin. Oui. Vous trouvez pas que c'est un petit peu exagéré ? Bah, pas du tout. Et je voulais savoir si vous aimiez la bière. Monsieur, écoutez, je ne vous réponds pas à cette heure-ci. Hein. Et vous me répondrez à quelle heure ? Ah, visiblement, elle ne répondra pas, oui, même plus tard. Bon, c'est pas grave, on va la rappeler. Hein. Elle avait l'air plutôt ouverte quand même, non? Oui. Bah oui, oui. Voilà. Elle avait l'air sympa en plus. On la rappelle. Puis vu sa voix, je pense que c'est très intéressant de savoir si elle aime ou pas la bière. Hein. Rapport au sondage. Oui. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Bah oui, monsieur, écoutez, là. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Bah pas du tout, moi je vous appelle pour vous poser une question simple. Monsieur, écoutez, à 6h du matin, on ne dérange pas les gens. Hein. Bah oui, mais enfin, moi je veux bien pas vous déranger à 6h, mais à quelle heure je peux vous déranger? Vous me dérangez toute la journée. Surtout en agissant comme vous agissez. Bah vous voyez, donc il n'y a pas d'heure pour vous déranger. Aïe, aïe, apparemment. Ouais. Allez, c'est dramatique, hein. Bah oui, mais enfin, en même temps, elle avait pas l'air d'aimer la bière, donc on s'en fout. Ouais, bah ça dépend, hein. Peut-être qu'elle venait juste de terminer, hein. Ou peut-être qu'elle en avait plus dans le frigo. Ah, peut-être, c'était peut-être. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Ah.